Le papa, le public s'est déplacé pour vous. On est vraiment étonné de vous savoir toujours en super forme. Quel est votre secret pour que la musique soit toujours comme un lingui boyé, na fair play? Le papa Yoka. Il n'y a pas tellement de secret, c'est que ça fait 31 ans que j'ai fait ce métier. Je le fais avec mon cœur. Voilà. Merci, je vous laisse en compagnie de l'orchestre Nouvelle Écriture. Merci.